Yeah, yeah. I. Whoa. J'aime les mots, j'ai un devoir, c'est de les remercier. Si pour lui sont les lignes de toutes ces grandes mains du passé. Si j'aime le flow, j'ai un devoir, c'est de le remercier. Yeah. Ah, yeah. Si j'aime les mots, j'ai un devoir, c'est de les remercier. Si pour lui sont les lignes de toutes ces grandes mains du passé. Si j'aime le flow, j'ai un devoir, c'est de les remercier. Yeah. Sois conscient et qui s'enfuit en perdant la paix dans le tracé. Aime-la et tourne-la, joue avec elle, imagine-la. Si on l'a en l'air en bas dans sa veille qu'elle ne maîtrise pas la triste pas mes paroliers, ça lui parle grave mes cravachés. Plume en flamme pour un attentat vocal et cuffocal si efficace, effectivement bancal en place. Et si on rime à tour de bras, c'est juste un tic au taquet, tout comme un type qui a un ticket avec des kits de rimenter. On est hanté de flots et mots bien influents comme affolé pour avaler de l'imprudence, de l'influence, tout ça pour avaler. Je suis et cuit, il fit une fois afin de fuir la foi, l'info fouillant la fin, le fou, l'enfant, le fou, le fait. Ça creuse pour de la rime et ça s'écrase pour de la frime. Aussi ça creuse dans les cerveaux comme l'appétit qui les sert trop. Trop lyrical, cette prose est prise, elle est en prise avec le prix. Et celle-ci prie pour qu'on la prime et qu'on la prime. Si j'aime les mots, j'ai un devoir, c'est de les remercier. Si vous lisez les lignes de toutes ces grandes mains du passé. Si j'aime le flow, j'ai un devoir, c'est de les remercier. Yeah. Ah, yeah. Si j'aime les mots, j'ai un devoir, c'est de les remercier. Si vous lisez les lignes de toutes ces grandes mains du passé. Si j'aime le flow, j'ai un devoir, c'est de le remercier. Sera conscient et qui s'oriente vers de la paix dans le phrasé. Au trip, hanté, au riz, ou ré, torique, hanté, rapide. Si t'es rapide que t'es radique, la tyrannie sans thérapeute est là. Peut-être que t'iras mieux en tire ailleurs, le tir en seul. Le tir au flanc, mais tire en fleur, mentir en force, en tire la peur. Sans crier, gare, c'est garé seul. Ça paraît fou, mais c'est la sœur, et c'est la seule. Avoir la peur, et à laquelle. Avec le cœur, des phrases dans le phrasé, à base de phrases dans le brasier. Si je brasse un tas de phrases, c'est que mon plat, je veux que tu l'embrasses, je veux que tu l'engraisses. Avec des phases, avec des gestes qui ont la peste, mais le courage, je veux que tu la baises. Là dans les bases, elle reste en place, mais elle enrage que tu la clashes. Le jeu n'est pas en reste, elle pourra contre-pente. Demande de l'aide à tous les herbes en face qui se présentent. Si j'aime les mots, j'ai un devoir, c'est de les remercier. Si pour lui sont les lignes de toutes ces grandes mains du passé. Si j'aime le flow, j'ai un devoir, c'est de le remercier. Yeah, yeah. Ah, yeah. Si j'aime les mots, j'ai un devoir, c'est de les remercier. Si pour lui sont les lignes de toutes ces grandes mains du passé. Si j'aime le flow, j'ai un devoir, c'est de le remercier. Sera conscient et qui s'en vient au vers de la paix dans le phrasé. Sera conscient et qui s'en vient au vers de la paix dans le phrasé. Sera conscient et qui s'en